Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 14e épisode. Pip se prépare à rallier discrètement un paquebot pour quitter l'Angleterre avec son bienfaiteur Magwitch, ancien forçat toujours recherché par la police. Un lundi matin, nous prenions le petit déjeuner avec Herbert quand une lettre de Wemmick arriva par la poste. Cette fois, ça y est. Quoi ? Le départ. C'est pour bientôt. Écoute. Walworth, en début de semaine, disons mercredi, vous pourriez faire ce que vous savez si vous le souhaitez toujours. Maintenant, brûlez ce papier. Tu n'es pas encore en état de ramer, Handel. Il nous faut pourtant bien un deuxième rameur. On pourrait demander à Startup. C'est un bon rameur, il nous aime bien et il est fiable. Je me suis renseigné. De toute façon, tous les vapeurs quittent Londres à marée haute. Il y en a un en particulier à destination de Hambourg, dont on pourrait croiser la route. Est-ce que cela te conviendrait ? Très bien. Je vais m'occuper des passeports. Le lendemain, en rentrant à l'appartement muni des passeports, je trouvai un étrange billet glissé sous notre porte. Ce soir ou demain soir à 9h, à la cabane de l'éclusier près du four à chaud dans les marais, vous pourrez recueillir des informations importantes concernant votre oncle Provis. Ne prévenez personne, venez seul. Apportez ce billet avec vous. J'agis mécaniquement, ne voulant pas mettre Provis en danger et notre départ en péril. Demain soir, ce serait trop tard, je devais partir immédiatement. Je laissai un mot à Herbert pour dire que j'allais prendre des nouvelles de Mademoiselle Havisham. Lorsque je débouchai dans les marais, au-delà de leur ligne sombre, une grande lune rouge se levait dans un ruban de ciel juste assez large pour la contenir. Puis elle disparut dans les nuages. Il soufflait un vent mélancolique et les marais avaient un air sinistre. Une lumière brillait dans la cabane de l'éclusier. J'aurais pu la rejoindre les yeux fermés, tellement tout m'était familier sur cette lande. Y a quelqu'un ? Maintenant, je te tiens, mon Dieu ! Qui êtes-vous ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Voilà, attaché comme il faut. Maintenant, appelle encore et je te règle ton compte définitivement. Maintenant, tu me remets. Et moi, je te tiens. Laisse-moi m'en aller, Orlick. Oh, tu vas t'en aller, t'inquiète, même jusqu'à la lune et aux étoiles. Il y a un temps pour tout. Oh, mon ennemi. Mon ennemi. Tu reconnais ce fusil ? Tu te rappelles où tu l'as déjà vu ? Parle, espèce de loup. Oui. Tu m'as coûté ma place, toi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Que je te laisse au service de Mademoiselle Avisham sans prévenir personne du danger que tu représentais pour elle? T'as tout fait pour qu'on me chasse. Eh ben... crois-moi que t'as jamais eu autant intérêt à te débarrasser de moi que ce soir. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Avoir ta peau. Tu t'es tout le temps mis en travers de la route du vieil Orlick. Eh ben cette nuit t'en sors définitivement du balai, t'es mort. Mieux que ça. Je vais te jeter dans le four à chaud et personne ne saura où t'es passé. Et maintenant, canaille. Avant de te tuer comme une bête, je vais te regarder un bon coup. Une dernière fois. Et m'en payer une bonne tranche. Mon ennemi. Mon ennemi. Eh, canaille. Orlick a un truc à te dire. Ta mégère de sœur. C'est toi qui l'as tuée. C'est toi, gredin ? Non, c'est toi ! Toi, on te bichonnait, moi, on me traitait comme un chien, ça se paye, ça ! Et ta sœur, que je l'ai laissée comme morte, s'il y avait eu le foie chaud pas loin, elle en serait parvenue ! À brûler, craint la flamme. Wesh, c'est tout. Comment t'as cramé avec la vieille? Comment tu veux embarquer ton oncle en douce et ceux qu'on a après lui? C'est eux les plus forts. Ils n'ont pas l'intention qu'ils vivent ici ou ailleurs. Alors toi, Magwitch, gaffe à Compayson et gaffe au gibet. Lâche-moi, Luc! Au secours! Hey, il s'enfuit. Hey, Bip. Hey, ça va, Endel? Oh. Hey, ça va, Endel? Ça va aller. Il revient à lui. Il est sacrément pâle. Bip. Mon vieux. On est arrivé à temps. Herbert. Comment est-ce possible? Doucement, Endel. Reste tranquille. Il ne faut pas t'agiter. Quelle nuit on est? Il est trop tard? Non! Non, nous sommes encore dans la nuit de lundi. Dieu merci. Où est-ce que tu as mal? Tu peux te lever? Je peux même marcher. Comment avez-vous trouvé ici? Le mot qui t'a amené ici a dû tomber de ta poche ou je ne sais quoi. Mais il était par terre chez nous. Et en contradiction avec celui que tu m'avais laissé. La start-up qui était avec moi a insisté pour m'accompagner. Une fois arrivé en ville, on a réussi à trouver de l'aide pour nous amener jusqu'à cette cabane. Heureusement que t'as crié parce que, comme je t'entendais pas, j'étais pas certain que tu sois là. enfin, l'important c'est d'être arrivé à temps. Au réveil, le mardi, j'avais mal partout. Je craignais d'être trop faible pour agir le lendemain, mais je finis par dormir longuement et me réveiller à l'aube le mercredi matin. Nous embarquâmes à 8h30. Donnez-moi la main. Attention. Attention. Oui, merci. Mon garçon, mon cher enfant fidèle, bravo, merci, merci. Tu peux pas imaginer ce que c'est de me retrouver à côté de toi, à fumer ma pipe après des jours et des jours entre quatre murs. Tu peux pas savoir ce que c'est. Si tout va bien, encore quelques heures et vous serez libre et en sûreté. J'espère bien. Et vous y croyez ? Oh, je crois bien que oui, que j'y crois. C'est peut-être de glisser sur l'eau comme ça, facile et tranquille, qui m'y fait penser. Mais je me dis qu'on voit pas mieux le fond des heures qui viennent qu'on ne voit le fond du fleuve où je suis en train de tremper ma main. Et on ne peut pas plus retenir le temps que moi, c'est tout. Tu vois comme elle me file entre les doigts. Herbert et Startop s'obstinèrent à ramer sans faiblir jusqu'au coucher du soleil. Il était temps de chercher un endroit où manger et passer la nuit. Après quelques milles, j'aperçus une lumière et repérai un endroit isolé et sale à souhait qui devait être familier aux contrebandiers. Le marin d'eau douce local, en charge du débarcadère, nous aida à tirer notre canot à sec pour la nuit. Je vois que vous regardez mes grolles. Je les ai trouvées sur un marin noyé il y a 3 jours. Il avait été rejeté sur la berge et il n'en avait plus l'usage. C'est presque ma taille. Au fait, vous auriez pas vu une yole à 4 rames remonter la Tamise avec la marée ? Non. Ils ont dû changer d'avis et redescendre. Mais quand ils sont partis d'ici, c'était en remontant. Bah, vous les auriez vus, c'est sûr. Une yole à 4 rames, vous dites ? Ouais, avec 2 passagers. Ils ont abordé ici ? Ils sont venus demander une cruche de bière. Moi, j'y aurais bien ajouté un peu de poison spécial. Pourquoi ? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ils pensent qu'ils n'étaient pas ce qu'ils avaient l'air. Je sais ce que je pense. Les gars de la douane, c'est ça que tu penses ? Exact. Allez. Salut la compagnie. Dites, Provis, vous devriez monter vous coucher. Je vous rejoins vite. D'accord, mon garçon. Cette histoire ne me dit rien qui vaille. Tu veux qu'on renonce ? Non, mais il faut prendre une décision. Soit on part tôt demain matin, soit on attend l'heure du passage du vapeur pour Hambourg qui est... 13h. Moi, je pense qu'on devrait partir d'ici 1 heure avant et se placer sur son passage en laissant le courant nous y amener doucement. Très bien. C'est entendu comme ça. Allons nous coucher. On cherchait Pipe. Tu t'es levé aux aurores ? Les autres sont là ? Oui, ils arrivent. Bonjour, mon garçon. Y a un problème ? ne sais pas vraiment, mais ce matin, le jour n'était pas encore levé. J'ai vu deux hommes s'intéresser de près à notre embarcation. Ils sont passés sous nos fenêtres sans s'arrêter et je les ai vus disparaître vers les marées. Ça ressemble à des gars des douanes. Ils s'en fichent de nous. Espérons. Par précaution, je préférerais qu'on aille attendre plus loin, Provis et moi. Et que vous nous preniez en bateau au passage. Très bien, d'accord. Vous venez, Provis ? Tout le monde fut d'accord. Je ne vis aucun bateau proche ou amarré et le rivage resta désert jusqu'à ce que nos amis nous récupèrent. À 1h10, nous étions en place à guetter la fumée du vapeur pour Hambourg. Nous ne l'aperçûmes qu'à 1h30. Il était suivi de près par un autre vapeur. Provis et moi attrapâmes nos sacs. Au moment des adieux, j'aperçus une yole à 4 avirons s'éloigner de la berge et ramer jusqu'à se trouver bord à bord avec notre canot. Les rameurs, comme l'homme au gouvernail, nous regardaient attentivement. Le quatrième homme frissonnait dans le grand manteau qui le dissimulait. Nous continuâmes comme si de rien n'était. Dès que le vapeur passe l'angle, maintenez-vous dans le courant pour qu'il ne voie. Et vous, Provis, restez bien assis pendant la manœuvre. Compte sur moi, mon garçon. C'est bien le Hambourg. Vous avez à bord un forçat en rupture de banc. Son nom est Abel Magwitch, alias Provis. Il est placé en état d'arrestation. Je le somme de se rendre et vous de me prêter main forte. Que faites-vous ? Restez assis ! Toi ? Oui, toi, derrière ton manteau ! Allez, debout ! Contre-toi ! Attention ! Tu ne peux pas te montrer, c'est moi qui viens te chercher ! Non, mais laissez-le ! Qu'est-ce que toi, gros paysan ! Je ne l'accepte pas ! Laisse-le pour nous ! Oui, Handel. Là, je vois sa tête. Ta main, Handel. Voilà. Ça va? Les start-up. Ces messieurs de la police nous ont tirés d'affaire. Notre canot coulé. Et les autres? Ils ont disparu. Nous surveillons l'eau. On attendra le temps qu'il faudra. Regardez là, cette masse sombre. Il est blessé. Provis, ça va aller. Donnez-moi la main, Provis. On lui passera les menottes. Nous attendîmes jusqu'au passage du vapeur pour Rotterdam. L'attente fut vaine, Compeyson ne réapparut pas. Nous retournâmes vers le rivage jusqu'à la cabane où nous avions passé la nuit. Je pus m'occuper de Provis qui avait une profonde coupure à la tête et la poitrine sévèrement enfoncée. Je crois bien que je suis passé sous la quille du vapeur. Ma tête a donné contre la coque en remontant à la surface. Et la poitrine? Ça, c'est quand je me suis cogné contre la chaloupe. En attrapant Compeyson? Oui. Quand on a coulé, on s'est agrippé l'un à l'autre. Moi, j'ai pu me dégager. Mais lui... Reposez-vous, Provis. Je vais voir si je peux vous procurer des vêtements secs. Ils m'ont pris tout ce que j'avais dans mes poches. y compris le portefeuille, mon garçon. Tout ce que j'avais gardé pour toi, ils me l'ont pris. Ne vous en faites pas pour ça. L'important, c'est que j'ai l'autorisation de vous accompagner jusqu'à Londres. Reposez-vous maintenant. Essayez de vous calmer. Ma répugnance avait complètement disparu. Et dans la créature traquée, blessée, menottée qui me tenait la main, je ne voyais plus que mon bienfaiteur, celui qui m'avait, avec constance, au fil des années, soutenu de son affection et de sa générosité. Quand sa respiration devint de plus en plus difficile pendant la nuit, j'en arrivais à espérer que son cœur lâche. La mort lui serait plus douce que le sort qui l'attendait désormais. On retrouva le corps de Compeyson horriblement défiguré. On l'identifia grâce au contenu de ses poches et notre marin réussit à s'approprier ses chaussures. Handel, mon ami, je crains d'être obligé de te quitter bientôt. Notre entreprise risque de perdre une belle occasion si je retarde encore mon départ pour le Caire. Et je dois hélas partir au moment où tu as le plus besoin de moi. Herbert, j'ai besoin de toi pour l'éternité parce que je t'aime pour l'éternité. Mais tu ne me manqueras pas plus aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment. Tu vas être tellement seul. Je n'aurai pas le temps d'y penser. Tu sais que je passe autant de temps auprès de lui qu'on m'y autorise. Et quand je le quitte, il reste dans mes pensées. C'est parce que je suis obligé d'envisager notre proche séparation, elle est très proche, que je me permets de t'ennuyer avec la question de ton avenir. Y as-tu pensé ? La seule idée de penser à l'avenir me fait peur. Il faudrait pourtant penser au tien. Et j'aimerais qu'on y regarde de plus près, toi et moi. Dans notre succursale, mon cher Handel, nous allons avoir besoin d'un... D'un employé ? Je ne crains ni le mot ni la fonction. D'un employé. Et il n'est pas improbable qu'il puisse, comme un certain employé que tu as connu, accéder un jour au statut d'associé. Bon, bref, Handel, mon cher ami, veux-tu venir travailler avec moi ? Je te remercie du plus profond de mon cœur, cher Herbert. Mais premièrement, mon esprit est trop préoccupé pour y voir clair en ce moment. Et deuxièmement, je crois n'avoir pas encore tout réglé ici. S'il t'était possible, mon ami, sans nuire en rien à tes affaires, de laisser la question ouverte pendant encore quelques temps. Aussi longtemps que tu voudras. 6 mois, 1 an. Non, pas autant. 2 à 3 mois tout au plus. C'est parfait. As-tu idée de la date de ton départ ? Je pars à la fin de la semaine. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 14e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Brice Hilléré, Marc Barbet, Didier Brice, Éric Chalier, Jérémy Lewin, Nicolas Struve, Jean-Paul Dubois, Frédéric Rose. Et les voix de René Hernandez, Pascal Lifschus, Lucie Digou. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.